Les palmarès, c'est fou, présente! Les palmarès, c'est fucked up! Bonjour et bienvenue au Palmarès c'est fou, édition spéciale Les Palmarès c'est fucked up. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi c'est Stéphanie Paradis. Et pourquoi une édition aussi fuckée des Palmarès? Je le savais que j'aurais pas dû manger de la maillot chaude. ça monte au cerveau. C'est agressant, vous avez l'impression d'être sur le payote ou je sais pas comment appeler ça, cette affaire-là. Le quoi? Payote, affaire à la drogue. Il liche une grenouille, il liche un crapaud. J'ai l'impression d'avoir les cheveux un crapaud. Je sais pas, je suis pas très calée en drogue, à part la maillot chaude. Donc non, c'est ça, c'est une édition spéciale des palmarès c'est fou. Vous le savez peut-être pas, je vous l'apprends à l'instant si c'est le cas, c'est qu'on n'a pas de palmarès c'est fou normaux cette semaine, à cause du congé de Pâques, entre autres. Pourquoi faire un palmarès pour 3 jours? Donc on a fait un palmarès sur 2 semaines. Ooh. Et la semaine passée, on a joué pas mal le top 40 au complet, les positions, les 20 premières positions francophones et les 20 positions anglophones. Donc il ne restait plus rien. On s'est dit cette semaine qu'on allait faire tout dans le désordre, un peu n'importe comment, comme des drogués. Ça va être fucked up. Fucked up. Dude. Yeah, yeah. Donc, d'ici la fin de l'émission, on va avoir plein de bonnes choses. David Ferron, une grande chose très importante. Il va être avec nous pour nous parler, nous faire un petit coucou tantôt. On va aussi avoir les instants classiques d'assemblage requis. Ça ne change pas. On va vous présenter le blog Palmarès Rest in Peace, mais l'édition spéciale de ça. Mais c'est ça, donc vu qu'on n'a pas de pièces à jouer, ben on va jouer les 40 pièces, mais dans le désordre et un peu n'importe comment. Et je sais pas si je vais me faire des blocs... Est-ce qu'on les tire custom. Au sort? Non, on n'est pas à Musique Plus quand même. On va genre y aller par ordre de priorité ou ce que j'ai envie d'entendre, des blocs qui fit ensemble. Ça va être pas mal le fun, cette édition spéciale, les palmarès c'est fou. Et toi, Stéphanie, tu t'en vas? Tu restes pas avec nous aujourd'hui? Ben non, c'est tellement fucked up que je serais même pas là, écoute. C'est insupportable, je suis à peine là d'esprit tellement je trouve ça bizarre. Oh, je vais aller vomir ma maillot. Ben, tu t'en vas en autobus dans ta région natale? Ben oui, je m'en vais en Gaspésie tout à l'heure, donc je vais quitter... Pas mal là, finalement. Ouais, pas mal là. Donc, je vais aller faire un beau 8h48 d'autobus. T'es voir sur Google Maps pour savoir la durée exacte? Non, mais il dit sur le site de Lyon, l'Express. Donc, on va te rejoindre par téléphone sur le terrain tout à l'heure. C'est oui, une promesse. Donc, je suis un peu nerveuse de faire ça au téléphone. Écoute, je suis pas habituée de faire ça au téléphone. D'habitude, je fais ça live. Donc, toute une expérience. Ça va être particulier pas mal. Et pour rejoindre dans notre particularité du jour, on aura Maxime Tanguay tout à l'heure. Donc, on va jaser avec lui de choses les plus folles les unes que les autres. Ben oui, ça va être fucked up. On est comme peu habitué qu'il soit là. Non, c'est ça que c'est ça. Ben, c'est justement, tant qu'avant l'émission de fucker, on va ramener un fucker. Puis moi, je vais me sauver. Tout ce temps-là, tu fais bien. Qu'est-ce que c'est ça? On va commencer dans le désordre, évidemment, avec les numéros 1, hein, parce que d'habitude, on finit avec les numéros 1. Oh, c'est très pêle-mêle. Ben oui, pas de jeu de mots, parce qu'on n'est pas à la fin de l'émission, mais non. Mais non. Hey, c'est un peu. Donc, tout à l'heure, il y aura David Bowie et The Stars Are Out Tonight. Mais avant ça... On va entendre en francophone Château de sable de Rouge Pompier. C'est les palmarès, c'est fucked up! Je vais au château de sable, l'histoire se répète, ça fait encore, je vais me briser la tête encore. Je vais au château de sable. toss and turn at night. They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight. And unaroused, they are the stars that dine for you, but I hope they live forever. Les numéro 1 de la semaine passée, en fait, du palmarès le plus récent, c'était David Bowie avec The Stars Are Out Tonight. Oui, juste avant, on a entendu Château de Sable, Rouge Pompier. Ouh! Hey, plus j'écoute cet album-là, ouais. Kevin Bacon. Okay. Kevin Bacon. Plus je l'écoute, puis j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment, vraiment ça. Le son gras, puis le peu l'attitude, on s'en fout un peu. Ouais. J'aime beaucoup. C'est du lourd, mais du bon lourd. C'est du bon lourd. C'est White Stripes, mais tu sais, avec la disto dans le fond, puis les cordes tellement basses qu'ils doivent frotter sur les. En tout cas, je mets dans des termes techniques. Ouais, moi, je comprends rien de ce que tu me dis. Ouais, t'es trop technique. Ah non, je sais que tu comprends, dans le fond, mais ben, fais ton modeste. La misère à comprendre tes jeux de mots. Tantôt, tu m'as fait un méchant bon jeu de mots. Oui, hein? Je sais pas si c'était un connu ou si c'était moi qui étais en retard. Écoute, juste pour voir si les gens. Mais en fait, on saura pas, mais juste pour voir si les gens vont le saisir. J'ai demandé à Mathieu, comme dirait des lézards, quelle heure reptile. Quelle heure reptile! On a déjà une réaction mitigée en studio. Jasmine Raymond de Réville qui va être avec nous dans quelques minutes, tantôt. Quelle heure reptile, je pense que ça lui plaît. Ça t'a plu? Est-ce que ça t'a plu, Jasmine? Never again. OK. Ouais. Ça va la peine, ça. Merci. C'est de la cohérence, de la pertinence. Ben oui, tout à fait. Comme on aime le faire. Hey, ta trame à buzz, hein? À buzz. Ben, c'est pour renseigner les gens à la maison et Jasmine va être déroutée et complètement déraillée par ça. Mais c'est les palmarès, c'est fucked up aujourd'hui. Oh! Donc, on est vraiment n'importe quoi, dans le désordre, en ordre de préférence, en ordre de couleur de pochette de CD, en ordre de changement de sexe. On va faire gars, ensuite androgyne et ensuite fille. Je sais pas, ça pourrait être des blocs n'importe quoi. Yeah. D'accord. Yeah. Fuck it, man. C'est intéressant. Ça va déplaisant un peu. Fait que dans le fond, je peux dire des niaiseries. Oui. Puis cette fois-ci, ce sera vrai. Non, jamais de la vie, je fais jamais ça. Ben non. Jamais. Donc c'est ça, Jasmine Raymond-Dréville qui est avec nous. Tantôt, tu vas nous parler de l'École internationale de français, n'est-ce pas? Oui. Oh, on va être sérieux pendant ce bloc-là. On va essayer. D'accord, tu fermeras mon micro, juste pour être certain. Donc on va parler avec toi dans quelques minutes. Avant ça, on a un bloc que Maxime Tanguy nous a choisi. Oh yeah, puis là j'ai choisi ça à cause de la couleur des yeux des chanteurs. Ok, parfait, cool. J'ai aucune idée c'est quoi la couleur des yeux du chanteur. C'est donc, on va aller entendre The Vaccines, The Teenage Icon, sera suivi de Damn Truth, like Kinda Awkward. Mm-hmm. Et on va commencer avec Olinéa, ta plus belle extorsion. Autre groupe que j'apprends à découvrir grâce au palmarès C'est fou, que j'aime beaucoup. Très lourd ça aussi, ça fesse dans le dash. Ça fesse dans le dash. Ça brousse, comme dirait Jean-René Boutin. Oui. Ton collimateur dans le dash. Ben oui, il dit souvent ça, puis il se fait aller les cheveux en même temps. Ah oui? Ah oui, c'est sexy. Viril. Viril. Très viril. Au Linéa, tout de suite. Au 89 FM, c'est les palmarès, c'est fucked up. Fucked up. C'est bon. Fucked up. Les gars. Ton visage par-dessus ta connaissance. Ton innocence, ton plan sournois. Et ta présence de bourgeois. Que donne la science. The Damn Truth est kind of awkward. Du côté anglophone, évidemment. Hein? Ben oui, toujours du côté anglophone. On avait Teenage Icon et The Vaccine. Et là, on parle pas de Justin Bieber, on parle d'un autre icon. Teenage Icon. Je cliquerai pas là-dessus, moi. Donc, une icône ici. Une icône, ouais. C'est ça. Il faut que tu double-cliques. Voilà. Pour être sûr. À moins que tu. En tout cas. Poursuis. Oui. Et on a débuté avec Oulinia et Ta plus belle extorsion sur l'album Distraction. C'était le bloc de Maxime Tanguay. Oui, tous des artistes que j'ai appris à découvrir. La vraie raison, c'est pas à cause de leurs yeux, là, mais c'est bien des artistes que j'ai tous appris à découvrir ici grâce au palmarès et que j'ai beaucoup aimé. C'est merveilleux, okay. Ça. Je vais vous faire un bloc moi-même tantôt. C'est les palmarès, c'est fucked up cette semaine. Donc, on joue un petit peu dans le désordre des paroles de priorité ou de différentes thématiques par rapport. Là. Et est-ce que tu connais, Maxime, est-ce que tu connais Jasmine Raymond-Drainville? Bien sûr, on se connaît de fait bout. Ouais. Notre première année de bac. Ouais. Pour vrai? Ouais. Cool. Vous entendez bien, ça va? C'est bon, cool. On s'entend. On se tolère. Ouais. Ouais. Ouais. Ben, le monde bien fin, là, je m'énerve. Ben, et comme trop positif, trop souriant. Ouais, c'est ça. C'est ta rencontre dans la vie, puis elle te dit, hey, salut, comment ça va? Ça se prend pour qui? Donc, Jasmine Raymond-Drainville qui co-animait les palmarès C'est fou avec moi, ça va toujours? Oui, ça va. Et tu viens de parler de l'école de français, l'école internationale de français, en fait. Oui. Le IEF? Oui, le IEF. Leif. UQTR. UQTR. Ça va faire? UQTR. On dit n'importe quoi, non? Oui. Ouais, c'est ça. Comme si c'était pas assez fucké de même, l'émission de c'est ça. On est sérieux. Donc, l'EIF qui recrute en ce moment des animateurs pour. Non, c'est famille d'accueil. Famille d'accueil, excuse-moi, tout à fait. N'importe quoi. J'essayais de damner le sujet. Mais c'est correct. Ouais, c'est ça. L'intention était là. Ouais. Donc, des familles d'accueil pour accueillir des étudiants étrangers cet été, n'est-ce pas? Oui, un peu cet été, mais surtout durant la prochaine année. Au complet. Oui. Les 365 jours à venir. Mais pas 365. Non. Je vais vous donner les détails. Ben, vas-y. Si vous me laissez faire. Est-ce que je peux? OK. Moi, je donne le go. OK, go. Dans le fond, c'est ça. L'École de français recrute des familles d'accueil pour accueillir des étudiants et des étudiantes qui vont venir apprendre ou perfectionner leur français à Trois-Rivières, dans notre charmante ville. Soit cet été ou soit durant la prochaine année scolaire. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de famille durant les mois de juillet et août pendant 5 semaines. Ça, c'est pour le programme Explore qui... En fait, c'est des jeunes entre 18 et 25 ans, principalement du Canada anglophone, là, qui viennent ici. Donc, s'il y a des familles qui hébergent, si on a besoin, en fait, là, pour cette période-là, c'est principalement pour héberger les étudiants parce qu'ils sont pas mal tout le temps à l'université. Ils mangent 3 fois par jour à l'université. Ouais. Les fins de semaine, ils ont des sorties. C'est assez chargé comme horaire. Donc, c'est principalement... comme un bed and shower. Là. Ben, quasiment, c'est ça. Utilise vos utilitaires. Hein? C'est en plein ça. Donc, ça, c'est si on a besoin cet été, c'est pas encore sûr, mais si on a besoin, ça va être pas mal ça. Pendant l'année scolaire aussi, il y a des gens, ça, c'est plus des professionnels ou des retraités qui viennent pendant des séjours d'une ou deux semaines. C'est assez court. Okay. Donc, s'il y en a pour qui c'est la première expérience, ça peut être le fun de tester ça si on n'est pas trop sûr qu'on va avoir quelqu'un tout le temps chez nous. Eux, ils viennent ça une ou deux semaines, puis c'est sont plus là souvent là, que pour Explore, mais quand même souvent c'est des cours de français intensifs qui ont. Fait que c'est assez chargé aussi comme horaire. Ensuite, on a des séjours de 4 ou de 8 mois, donc soit une session, deux sessions, donc de septembre à décembre inclusivement ou de janvier à avril inclusivement ou encore tout ça, septembre à avril. Puis ça, c'est des étudiants qui viennent d'un peu partout là, dans le monde. Et ça, c'est vraiment plus c'est plus de la cohabitation. C'est vraiment plus l'immersion est plus complète. C'est vraiment une. Les gens font plus partie de la famille que durant, durant Explore, par exemple, c'est ça. Ils vont quand même sortir la fin de semaine, etc., mais vous allez les avoir plus souvent chez vous, c'est sûr. Mais c'est en plein ça. Voilà. C'est ça, ils font... si vous voulez faire des activités avec les étudiants que vous hébergez, dans ce cas-là, c'est plus possible que pendant Explore parce que leur horaire est chargé, là, comme je l'ai mentionné. Ouais. Donc, c'est en plein ça. Puis ça, en fait, des fois, les repas peuvent être inclus tout dépendant de si la famille le désire, en fait. S'il y en a qui veulent plus de détails, qui ont des questions justement par rapport à ça, je les invite à me contacter. Je vais donner mes coordonnées tantôt. Mm-hmm. Moi, ce que je fais, c'est que je me déplace dans les familles pour aller discuter avec eux aussi, avec elles plutôt, des familles. Voir s'ils sont aptes à recevoir. Ben, en fait, c'est plus pour... parce qu'il y en a qui ont bien des questions, qui n'ont jamais fait ça aussi, fait que c'est plus facile de parler avec eux en face. Puis j'ai un questionnaire aussi que je remplis avec les familles, donc pour savoir justement est-ce qu'ils veulent, eux, inclure les repas ou pas, est-ce qu'ils veulent quelqu'un de fumeur, non-fumeur, une fille, un gars, quel âge. Avez-vous des animaux domestiques d'un coup que l'étudiant soit allergique, etc. Ben oui. Puis de leur côté, les étudiants aussi qui veulent aller en famille, ben ils vont remplir un formulaire semblable comme ça, en ayant des informations des deux côtés, puis on s'assure de faire des jumelages qui sont efficaces, qui sont appropriés, puis personne n'a de mauvaise surprise, tout le monde sait à quoi s'attendre. Donc, il y a des traditions qui sont différentes des fois aussi chez les étudiants. Donc, il faut être capable de s'adapter à différentes traditions. Oui, il y en a qui ont déjà eu, par exemple, des mauvaises expériences avec, j'ai pas, quelqu'un qui vient de tel endroit, puis ils se disent, ben moi, j'aimerais mieux essayer quelqu'un qui vient d'une autre région, ouais. Aussi juste pour l'échange culturel. Ouais, ou j'ai connu quelqu'un de tel centre. Donc, j'ai des familles, par exemple, qui ont déjà reçu des Indiens, des Thaïlandais, tout ça. Ils aimeraient ça recevoir peut-être quelqu'un d'Europe. T'sais. Ben oui, OK. Fait que ça, moi, j'indique tout ça dans le formulaire. Puis, en fait, remplir ça, puis la rencontre, ça n'engage à rien. Là, moi, je remplis tout ça, on met ça dans une banque. Puis, si jamais on a un étudiant qui fit là, avec les besoins puis les préférences de la famille, on les contacte. Puis, rendu là, ils nous disent si oui ou non, ça leur tente encore. Donc, c'est à peu près ça. Pour ce qui est de la rencontre, ça dure 30-45 minutes, tout dépendant de si la personne a beaucoup de questions ou bien des choses à dire. Mm-hmm. Puis, c'est pas mal ça. C'est cool et c'est rémunéré, ouais. Évidemment. Donc, il y a des conditions autour de ça, ouais. Aussi. Pour cet été, pour Explore, si on a besoin encore une fois, ouais. Comme je vous dis, c'est pas sûr. C'est 60$ par semaine parce que les étudiants mangent à l'université tout mm-hmm. le temps, sont pas trop là. Puis, pendant l'année, c'est nourriture incluse, là, c'est à peu près 140$ environ. On n'a pas le montant précis encore. Puis si les étudiants font leur épicerie ou s'ils mangent à l'université, c'est un petit peu moins que ça. Et ça, c'est encore... c'est plus l'expérience que ça va vous donner. Donc, vous avez l'argent et en plus l'apprentissage, oui, d'autres cultures et un paquet d'autres avantages. Ouais. Donc, c'est merveilleux. En plein ça. Et on te contacte à quelle adresse? Quel numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone. 819-376-5011, poste 3875. Donc, c'est le numéro à l'UQTR. Sinon, par courriel, le RIMONDD@commercialuqtr.ca. Donc, RIMONDD@commercialuqtr.ca. Puis, pour ce qui est du numéro de téléphone, laissez un message si jamais je suis pas là, parce que je suis là 15 heures par semaine, là, ce qui inclut des visites dans des familles, fait que je suis pas trop là. Laissez un message, puis je vous rappelle. C'est merveilleux. Et Jasmine, tu reviens, ouais. Quand tu veux pour nous parler de ça encore, oui. N'importe quand. À toutes les semaines. Oh, oui, la chronique genre reprise de la même chose qu'on a fait la semaine d'avant. Ça reste enregistré, on pourra juste me poser sur Play. Avec la petite musique de Gossan en arrière, là, ça va être fun. Donc, merci beaucoup, Jasmine Raymond-Drainville. Merci à vous. De l'École internationale de français, ouais. Et chroniqueuse aussi, accessoirement, à Assemblage Requis tous les jeudis matin. Partout. Everywhere you want to be. C'est international. C'est Visa, je pense, qui fait ça. Oui. Everywhere you want to be. Partout où vous voulez être. C'est pas le slogan. Ouais. Ah, c'est pas sûr. On s'en en fout. Français, je sais pas c'est quoi. Oh, Visa, ça va? Ouais, ben, je pense. Oui. Ici, c'est Pepsi. Il y en a peut-être un autre. Ouais. Tout ça. Donc, merci encore. Merci. C'est tellement cohérent. Ben oui. Vous êtes toujours au Palmarès, c'est fucked up, une édition spéciale des Palmarès, c'est fou. Et on continue avec nos ordres prioritaires. Et tantôt, tu nous as donné un bloc, Maxime. Oui. Très généreux. Mais ça me fait plaisir. Je vais te rembourser la monnaie de ta pièce. D'accord, vas-y. Dit, avec un bloc composé de Fiddler et de Tawan de Gadland Stay Down. Mais on va débuter avec Violette P du côté francophone. Voici la position numéro 18, c'est Fleur de Londres. Oh, Fleur de Londres. C'est fou, c'est la plus vieille pièce qu'on a jusqu'à maintenant. Mais bonne. Noble pistache, fleur de fruits. Ton jardin de rhubarbe me plaît tout entier. J'en paradigme, j'en paragraphe, j'en parle souvent. Je t'apostrophe entre mon cerveau et ma langue. L'amnésie en journée de ciel. Notre fleur d'atomique sans cesse s'incruste sur mes disques durs. M'oublies-tu? Sur tes disques durs, m'oublies-tu? Fleur de Londres, fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Fleur de Londres, voudrais-tu prendre le thé? Artefacts, pelures de linge et l'or s'enfuit sur ta montre sans chiffre. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. La journée t'amuse, elle ne finira jamais. Et ton joli visage ne voit jamais, je ne vais l'oublier. devant eux et l'heure s'enfuit sur ta montre sans chiffre. Assez fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C-F-O-U 89-1. la pièce No Waves, position numéro 3 du palmarès anglophone, et c'était celle qui terminait mon bloc que j'ai choisi. Oui, tout à fait. Et au milieu, c'est quelqu'un qui est 4 partout, c'est-à-dire 4e cette semaine. Il était 6e la semaine dernière. Ah, tu vois, j'avais les yeux croches avec... avec la feuille sur l'île de Stéphanie de la semaine passée. Oui, exactement. Donc, 4, 6 et 4. Donc, c'est 4e semaine au palmarès. Bref, City de Dao and the Get Down, Stay Down. Mm-hmm. Et on a débuté avec Violette Pie et Fleurs de Londres. Tout ça pour dire, on parle des feuilles de Stéphanie de la semaine passée. Pourquoi? Ben, parce qu'on vit dans le passé en ce moment. Oui. Il n'y a pas de nouveau palmarès. C'est fou cette semaine. C'est les palmarès donc, de la semaine du 25 mars au 7 avril. C'est une période de 2 semaines. Et comme on n'a pas de nouveau palmarès, ben, on le vit dans les ordres par ordre de n'importe quoi. Ça peut être par ordre de nombre de personnes sur le CD. Ça oui. peut être par ordre de style de pochette. Est-ce que c'est une pochette en plastique ou une pochette en carton? En carton. Ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est notre palmarès privé et très sélect qu'on vous fait là. C'est vraiment très sélect. Plus tard dans l'émission, on aura les essais classiques d'Assemblage requis. Toujours savoureux. Toujours agréable, ça. Ouais. On va voir la présence de Stéphanie Paradis via ligne téléphonique haute vitesse. Ben oui. C'est ça. On va nous appeler du boss. Comme ils disent à Montréal. Oui, hein, la bus, le bus, on sait jamais, le bain, la baigne. Hein, c'est... Mais techniquement, je pense que tous les moyens de transport sont masculins. Oui. Donc, c'est eux qui ont raison. C'est le bus, le autobus, l'autobus. En tout cas, bref. L'avion, c'est masculin. Ouais, non, c'est vrai. Je pense mais que tous les moyens de transport, il me semble, sont tous ouais. masculins. Ben, c'est des hommes qu'ils ont inventés. Hein? Pas en tout, pourtant. Là, c'est pour ça que j'arrête pas de dire à ma blonde, on dit pas une marche, on dit un marche. Je vais le prendre un marche. Je comprends pas. Ah, OK. Donc, on s'en va entendre maintenant un bloc que tu choisis et on n'a pas parlé vraiment avant, donc on y va à la bonne franquette. Bloc de 3 pièces, s'il te plaît, vas-y. Oui, on va y aller avec Soons. Soons, avec la chanson Holliston City. Très, très bon album. Garochez-vous là-dessus, sincèrement, c'est vraiment très, très, très bon. On va aller ensuite avec Monsieur Lapointe, parce qu'on l'aime, puis il y a une sexualité assez explicite dans cette chanson. C'est ça, très osé. Hein? Donc, la sexualité de... Ben, quand même, hein? C'est un peu le retour au vieux... En tout cas, c'est... Ben, ils ont l'air de violer des enfants sur leur pochette, je sais pas trop, on dirait. On a l'air de violer des enfants. Ben, tu sais, il y a comme sur la couverture du CD de Pumt... De oui, la pointe. Punct. On voit un couple, j'imagine, en tout cas, ça a l'air d'être un couple de deux hommes qui se cachent derrière des couvertures. Ouais, c'est vrai. Je me fais bien. Effectivement. On dirait qu'il y a un petit enfant dans le coin, en dessous du logo. Oui. Qui a l'air d'avoir peur des choses qui se passent. Et de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Tout le monde se cache derrière les couvertures. Il se passe des choses qui ont l'air de faire peur à quelqu'un. Je sais pas. Mais ça, allez voir la pochette de Punt, P-U-N-K-T, de Pierre Lapointe. Oui, oui, c'est assez éclaté comme ouais. pochette. Bon, on aime ça de même. Si c'est vraiment le message, il a pris des drôles de couleurs pour le signifier. C'est très coloré, très arc-en-ciel, si on veut. Oui, tout à fait. Hey, finalement, c'est ouais. prêt? Oui, ouais. c'est prêt, là. Je suis prêt, moi. On ira entendre les Indiens. Wow. Avec Boucan. Tu y vas avec une pièce quand même assez récente du palmarès. Oui, une nouvelle entrée. La semaine dernière, une nouvelle entrée. Encore cette semaine, dans le fond. Donc, techniquement, vu que c'est un palmarès fucked up de 2 semaines. Ben, c'est ça. Faut le dire. on dira jamais assez parce que les gens comprennent pas. Hein? Non, les gens sont à la maison, ils disent, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec, entre autres, la trame de fond? Oui, pourquoi vos fonds sont aussi fuckés que ça? Ben, parce que ça me tente, hein? Je me sens, par l'espace d'une émission, là, je me sens comme si je co-animais avec Alex Drouin. Ces trames toujours très énergiques et bizarres. De jeux vidéo dans le temps. Ah. Oui. Hey, ça me manque, la musique de jeux vidéo, j'en faisais tout le temps jouer. Là. Du chiptune? Ouais. Oh. Cet été, ça me tente, en vrai. Ouais? Je vais faire une émission juste du chiptune. J'ai envie. T'as envie, hein? J'ai envie. Oh. Donc, on y va avec ton bloc des Indiens, de Pierre Lapointe et de Suns ou Soons. Sons, mais je sais pas. Je sais pas. Nous, on dit Sons. Semble-t-il ouais. que le chanteur de We Are Wolves dit Sons. Ouais, mais un mot avec 2 lettres doublées, c'est comme Waves. Tu diras pas Waves. Non. Que 2 V, tu vas dire Waves. Étirer le V un peu. Waves. Waves. Sons. Moi, je trouve ça logique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, Sons, disons comme ça. Voici l'extrait. Holliston City. C'est les palmarès, c'est fucked up. 89 FM. Making me believe in ideas. Driving back into the city. You and me. y a ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui, le jour, la nuit, sans cesse et sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. Faire l'amour à trois, mais je préfère de loin le faire à deux avec toi. Te faire crier comme les stars du X au cinéma. Recommencer une, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept fois. La vie est morte, la vie est sale. T'on joue les méduses glaciales. Quand on est deux yeux dans les yeux, à lécher des jours malheureux. Les soirs de pluie, les matins grimains, sous le soleil de midi. Jamais les bombes, les grenades, ni la suie me feront sortir du lit. You wanna see what I do? I got the fire, so I'm making my jeans come true. Nude, I'm just a powerless fool. But I like you open so I can see the view. Cool, how did they live, how did they breathe? The gift of penetrating means nothing but the clemency in me. Just feels good in your body too. What if I quit walking out here like a detox too? Look into my eyes, I said look into you. Screams and whispers just wander. Sway onto me and make me be your fool. And smile at me until my thighs, they choose to be with you. À ceux qui veulent partir au loin pour tuer nos frères en faisant la guerre. C'est bien mieux de faire l'amour. Pénétrer autrui le jour, la nuit, sans cesser, sans répit, en faisant l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. C'est bien mieux de faire l'amour. les Indiens, une nouvelle entrée du palmarès francophone, c'est Boucan sur l'album Crown. On avait la sexualité de Pierre Lapointe, mais pas elle concrètement, bien la live chanson. À radio. Live à chant. C'est désolé pour les malaises. Donc, de l'album Punk'd, avec la pochette peut-être douteuse. Peut-être. On a débuté avec Sons et Holocene City. C'était un bloc choisi par Maxime Tanguay. Hello. Parce que c'est les palmarès, c'est fucked up, où on joue un petit peu n'importe quoi, n'importe comment, selon nos propres critères. Exactement. Et on va revenir tantôt avec une deuxième heure remplie de bonnes choses, dont les instants classiques. Oui. Et sûrement Stéphanie Paradis quelque part là-dedans. Ben oui, à quelque part au Québec. Oui, sur la route. une vraie partie pour l'été avec Chantal. C'est qui dans... Chantal Lamar. Chantal Lamar. C'est qui a bougé des tables. Elle animait ça, un genre de talk show d'été. Hein. Partie pour l'été. Parti pour l'été. Ça, c'est moi, là, tu vois, j'ai juste la petite séduction, mais c'est Danny Turcotte, c'est pas ça pas en tout. Pas la même chose. Non, non, non. Fait bouger des tables, lui aussi, mais pas pour la même raison. Non, non, non. Restez là, c'est les palmarès, c'est fucked up. Hein. C'est la deuxième heure des palmarès, c'est fucked up. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi-même, Maxime Tanguay. Cette édition spéciale des palmarès, c'est fou, qui n'est pas pour tous les publics. Non, mais non, c'est pour public averti. Exactement, on vous a averti. Ouais, ouais. Il y avait le logo au début, vous avez vu le logo. Oups. On a oublié de le mettre. Oh, zut. Mais dès qu'on est à la télévision, par contre, je vous assure qu'on va vous allez voir le logo qui dit 13 ans et plus. Sur c'est fou.tv. C'est fou.tv. La web télé, là, parce que c'est fun. On a tellement d'animateurs dans le Gay Horaire qu'à ce temps, on peut se mettre une deuxième chaîne à la télé. Ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Tabarouette. Mais d'ailleurs, on est en train de construire le studio. C'est ça les rénovations dehors. Hein? C'est notre géant studio télévision. OK, wow. Ça a l'air vrai. Hein? En HD, tout. En HD, tout, oui, oui. Oh, mais 3D. Ouais. 3D HD. Ben oui, je mets 3D. 3D HD. Ouais. Donc, c'est ça, les palmarès, c'est fucked up. C'est quoi? Ben, c'est une édition spéciale parce que, bon, il n'y a pas de nouveau palmarès cette semaine. C'est un palmarès sur deux semaines. Que voulez-vous, ça arrive de temps en temps. En fait, jamais, à part l'été, mais là, c'est ça. Ben, c'est ça. Vu qu'on a joué le top 40 au complet la semaine passée, cette semaine, on s'amuse à jouer ça dans le désordre avec des blocs thématiques prioritaires. En fait, tu choisis un bloc, ça peut être pour n'importe quelle raison. N'importe quoi. Donc, on va y aller avec un bloc, tiens, que j'ai pas encore vraiment déterminé. Enfin. Oh! Je sais qu'on on va entendre les Hello Trons. Tout à l'heure, c'est très très bon, Hello Trons. On va entendre. Oui, ça va être bon, ça. Mais hein. On va entendre aussi, je pense, pas mal du Rara. Rara. Ouais. Rara. Rara. Rara. Mais on va débuter avec nos amis. Rara. Des Truras, d'accord. En fait, je les ai choisis. Pourquoi est-ce que je les ai choisis? Parce que Hello Truruns, hein? Hello Truruns, évidemment. Rara, bon. Et les Truras, d'accord. Donc, c'est des groupes que tu peux dire Rara dedans. Rara. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est mon top 3 de groupes qu'on peut dire Rara. Donc, tout de suite, les trois accords. Le retour à l'institut. Juste à rappeler qu'il y a aussi Siren Rap, mais... Ah, ben là, je fais pas un bloc de 8 quand même, là. Vous êtes au pas de ma Rara, c'est fou. Au 89 FM, mais il n'y a pas de Rara là-dedans. Non. Catch Rara 29 FM. Ah oui! Catch Rara 29 FM, j'aime ça. Hey, je suis en train de pas mettre la bonne chanson. La transition vers la blague à la chanson était parfaite jusqu'à temps que je mette pas la bonne tune. Ouais. Ben écoute, c'est pas grave. Pas grave! C'est pas grave. Je m'en retourne à l'institut. Je m'en retourne à l'institut. Dans le sens de la ligne de rue, la ligne de rue, la ligne de rue, pupu. Je m'en retourne à l'institut. Je ne suis pas plus libre. At your back door, la position numéro 15, Anglo. Oui, on avait également les trois accords de Tres Acordes avec Retour à l'Institut. Les trois ras accords. Les trois ras accords. Et on avait Rara. C'était mon bloc de groupes qui, on peut dire, Rara dedans. Donc, oui. Les trois runs, les trois ras accords. Et Rara. Voilà. Avec la Prairie Girl. Exact. C'est les Palmarès, c'est fucked up. Donc, une édition spéciale des Palmarès, c'est fou. On fait un peu n'importe quoi, n'importe comment. Oui, oui, oui, définitivement, définitivement. Arrive, arrive! Vous êtes chanceux parce que c'est pas encore à la télévision parce qu'on vient juste à se rhabiller. On t'a tenu depuis le début de l'émission. Oui, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se rhabille pour venir en ondes? Ça sert à rien. Je sais pas. Je sais pas. Donc, tout à l'heure, on aura un autre bloc musical, mais concocté cette fois-ci par Stéphanie Paradis, notre co-animatrice fidèle. Adèle qu'on rejoint en direct. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Et tu voulais dire Stéphanie Paradis? C'est ça, oh. Stéphanie Paradis. Ben, c'est Madame Paradis, comme on l'appelle. Oui. Et donc, t'es en direct d'où en ce moment, Madame Paradis? Écoute, je suis dans des contrées lointaines. Je dois être rendue à, je sais pas, Saint-Maurice. Oh, ouais, ça, je sais pas c'est où. Écoute, c'est, tu parles un peu l'autre bord du Cap de la Madeleine. C'est-tu pas loin de Batiscan, ça? Comment? C'est-tu pas loin de Batiscan, ça? Oui, je pense que c'est dans ce coin-là. Tu dis n'importe quoi, Steph. On ne le croit même pas. T'es pas crédible. Donc, t'as quitté nos studios plutôt dans l'émission pour ceux qui nous suivent jusque, ben, en fait, depuis une heure et quart. T'es parti rejoindre ta contrée natale. Oui, la merveilleuse Gaspésie, plus précisément à Capucha. Oui, juste à côté de Capucin et les autres villes avec des noms d'animaux. Là. Oui, exactement. Capucin qui est un singe, mais c'est aussi un moine, en fait. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres villes avec des animaux ou des religions quelconques autour? Avec des religions, il y en a une très bizarre à Capucha, mais sinon, il y a Cap-au-Renard. OK, oui. Il y a Caplan, qui est un poisson. Ah! Et vite comme ça, c'est pas mal ça. Il y a Grosse Roche, mais ça, c'est un peu mort. ça rock. Ça rock. Ouais, ça rock. Mais ça vient me chercher, Grosse Roche, par exemple. Ouais. Sinon, il y a Les Méchins. Saviez-vous que les gens qui habitent Les Méchins, ce sont des Méchinois? Non, ben non, ça c'est une joke, là. Ça c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Bien chinois. Aïe, aïe. Wow. C'est tellement sympathique. Ben écoute, on les salue. Oui, oui. On salue les méchinois. Monsieur et Mme Wangtang. Monsieur et Ben, c'est le fun d'en apprendre comme ça sur ta région. Et tu t'en vas voir ta famille là-bas, là. C'est ça? Exactement. Je vais voir ma famille, profiter un peu de la nature. Tu t'en vas en fait passer tes vacances de Pâques parce qu'on a travaillé ensemble ici au GME, le groupe de mes étudiants de l'UQTR, la semaine passée pendant les vacances de Pâques. Donc, on reprend notre temps perdu et ça tombe bien d'aller voir la famille alors que dans le fond, tout le reste de la famille n'est pas là. Ben, c'est ça. Mais en fait, c'est à cause du décalage. En Gaspésie, Pâques, c'est toujours une fin de semaine plus tard. Donc, je suis obligée de me déplacer pour suivre un peu les coutumes gaspésiennes. C'est vraiment... Et toi, c'est comme tu dois connaître le chemin qui sera en Gaspésie très, très bien, j'imagine que tu te rends là souvent. Il y a une section, surtout dans le bout de Rimouski, je crois, dans le Bas-Saint-Laurent, qu'il y a plein de villes qui finissent en « aha ». Uh-huh. C'est comme Saint-Louis du ha-ha. Saint-Louis du ha-ha. Est-ce que tu dois connaître la signification du ha-ha? C'est pas du monde qui sont crampés à longueur de journée. Là. C'est pas les alcooliques anonymes non plus. Là. En fait, ça doit probablement être ha-ha, si t'es rendu là, c'est parce que tu t'es perdu. C'est pas fin, c'est pas fin. Je m'attendais tellement à une réponse sérieuse de ta part, tu me déçois. Ah oui, mais non, écoute, j'ai vraiment aucune réponse constructive à te donner là-dessus. Stéphanie, elle rit de l'éthique journalistique là, sans cesse. Là. Come on! Hey. Oh. Rigueur. Non, ça n'a pas marché. Quand on a dit grosse ra-ra, je suis tantôt arrivé à faire, par contre. Ouais, je sais. Opportunité ratée. Quand je vois l'absence de réaction dans tes yeux, Mathieu, là, je me dis, OK, raté celle-là. C'est vide, hein? C'est vide dans ma tête. Est-ce que tu vois l'absence de réaction dans mes yeux à moi? Je la ressens. Oui, je la ressens jusqu'ici. Là, tu dois être rendu dans le bout de Champlain, là. Écoute, je te dirais que tout ce que je vois présentement, c'est des arbres. OK. Donc, mais t'es en mouvement, là. T'es en mouvement, t'es pas stationnaire. On pensait que t'allais peut-être être à l'arrêt d'autobus, à l'arrêt d'autobus. Mais finalement, t'es sur la reroute. Exactement, je suis sur la reroute. J'ai la chance d'avancer rapidement vers ma destination. Combien de temps avant l'arrivée? En fait, je vais arriver à minuit 48, très précisément, au Petro-Canada de Capucha. T'as la rouette, hein? Et là, il n'y a pas des gens assez autour de toi qui te trouvent désagréable à parler à deux hommes exceptionnels à la radio? En fait, oui. Tout à l'heure, le conducteur m'a averti que je parlais un peu trop fort, mais je crois que je m'expliquerai peut-être un peu plus tard. J'espère. Ben, est-ce qu'on va avoir la chance de se reparler d'ici la fin de l'émission? Avec un peu de chance, oui. Si je me fais pas confisquer mon téléphone. Bon, ben, on nous le souhaite, on te le souhaite d'ici la fin pour que tu puisses aussi te divertir, j'imagine, parce que ton téléphone doit te servir, entre autres, pour faire des niaiseries. Je sais que tu nous écoutes via ton portable. Donc. Oui, oui, j'ai la chance d'avoir le Wi-Fi, donc j'ai un peu de misère avec la mise en tampon, mais... Ça, c'est le buffering à la mise en tampon, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'ai un ordinateur francophone. D'accord. Tu vois, moi, je pensais que buffering, c'est parce que... En tout cas, j'allais tout le temps écouter une émission de Buffy après ça. Buffering contre les vampires. Buffering. OK, donc Stéphanie Paradis, co-animatrice des Palmarès C'est fou. On te retrouve plus tard. Merci. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de trajet ou bon restant de début de fin de ça va être long. Oui, c'est un peu encore le début. Ouais. Amuse-toi, Steph. Merci. Merci beaucoup, vous aussi. Je vous embrasse fort. Stéphanie Paradis, donc on lui parlera plus tard d'ici la fin de l'émission. Pour l'instant, on se retrouve. En fait, attends un peu. Steph, toujours là? Oui, je suis toujours là. J'aurais pu te laisser, genre, présenter ton blog, genre, la raison, entre autres, que tu nous appelles. Hein? Ça va oui, bien? Si tu veux que je présente mon blog, d'accord, je peux y aller. Vas-y. Écoute, je ne sais pas exactement dans quelle ordre tu vas les passer, mais moi, je vais y aller avec mes trois coups de cœur présentement dans le palmarès. Donc, on va aller avec la sixième place anglophone, qui est Last Night Dress de Superstition Moderne. Et la onzième place, toujours en anglophone, Two Reasons de Young Rival. Et une petite pièce aussi en francophone, la neuvième place, qui est À bout de souffle de Ponctuation. Bon, ben commençons avec Modern Superstitions. Merci encore, Steph, désolé de t'avoir coupé sauvagement. Ah, pas de problème. Je ne t'en veux pas. Merci, Steph. C'est des palmarès, c'est fucked up. Hein? Au 80 FM, c'est... Wow! Back in the bar at the back. ponctuation et à bout de souffle, c'est le troisième choix de notre amie Stéphanie Paradis avec qui on a parlé par téléphone tantôt. Oui, c'était précédé de Young Rival avec Two Reasons. Mm-hmm, on a débuté ça avec une pièce de Modern Superstitions, Last Night's Dress, c'est la sixième anglophone. La robe d'hier? Ouais. Hier soir. Pourquoi tu caches ta face avec ta feuille? Non, je cherchais. Parce que je te vois pas. Attends. Je m'excuse, j'ai tellement honte, Mathieu. Oui, ben c'est normal, hein, parce que c'est les palmarès, c'est fucked up, une édition complètement fuck débile. Hein. Ben oui, tout est bizarre. Ça n'a pas de sens, ça. T'écoutes ça, pis c'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Imagine, les gens vont faire des accidents. Ça fait, on était censé avoir un nouveau chroniqueur tantôt, mais il a fait une crise d'angoisse, fait que là, on l'a retourné chez lui. C'est bien normal, avec une note du médecin. Oui, tout à fait. Parce que ben oui, docteur Mathieu. À la radio, oui, exactement. Docteur Mario. Mais toi aussi, docteur Mathieu. Les petites bébites, les petites pilules. Oui, les petites bébites, une petite pilule. Une bébite, une petite graine. La poignée de porte. La poignée. Là, on mélange des choses, hein, je pense. On mélange des choses. C'est mes aïeux et Normand Amour. Tant qu'à moi, c'est tout dans la même catégorie. Ah, mais mes aïeux. Non, mais la version originale. Pas la version de mes aïeux. Comment? Parce que, une pilule petite granule, ça vient de quelqu'un d'autre? Ben, me semble. Je sais pas. Moi, me semble, ma tante me chante ça pendant les parties de fête. Puis c'est sûr que mes aïeux, c'est bien trop récent pour qu'elle connaisse ça. C'est vrai. Non, mais c'est quand même populaire chez les médecins, mes aïeux. Oui, c'est vrai. Quand sais-je? On y va avec un autre bloc. Et cette fois-ci, c'est un bloc que tu as choisi, Maxime Tanguay. Oui, monsieur. Il fallait prendre son souffle pour ça. Oui. Hey, non, mais ça va être, ça devrait être bon. On va y aller avec un groupe que j'avoue j'ai choisi parce que j'ai pas écouté encore. Je suis pas fiable là. C'est pointable. Là. Je t'es plus vraiment un animateur régulier. Tu viens pour quand ça s'arrête. Oui, c'est vrai. J'ai été occupé la dernière semaine. Je m'excuse. C'est bien fin d'être là aujourd'hui. Mais j'étais là d'esprit. Ouais. Tu nous écoutes au moins. Oui, tout à fait. On rappelle les lundis justement ton émission. Ben oui, exact. J'arrive plus tôt pour vous écouter dans le sujet. Ben j'espère bien. Tu pognes le meilleur, tu sais, à la fin de l'émission. Avec les jeux de mots. Exactement. Et on rappelle que donc les palmarès c'est fou sont diffusés les lundis entre 13h et 17h. Et à 17h, c'est en deux périodes. Oui, en deux périodes avec le charmant Jean-René dont on a parlé tantôt. Il est-tu beau, hein? Il est très beau. Très, très beau. Là, une chance qu'une console qui nous sépare des fois. Oh là là! Vu que t'as pas à te lever debout pendant 2 heures. Ben c'est ça. Tu peux te cacher. Hein. Je peux me cacher le. Avec le. Le rara. Sur le. Forêt. Donc, j'ai toujours pas écouté. Groupe qui vient de sortir un album, puis que ça m'intrigue beaucoup. Fait qu'on va entendre Corps maquillé du groupe Forêt. Ce sera bien entendu suivi de ce sera suivi, voyons, de How to Destroy Angels, oui. qui n'est pas dans le palmarès en tant que tel, mais qui est dans le palmarès des albums. Ça compte quand même, hein, parce qu'on en parle dans notre chronique qu'on fera pas cette semaine, mais qui s'appelle Ailleurs dans les palmarès, où on fait le tour du top 30 des albums. Et donc, ça compte. T'as le droit de le jouer, c'est légal, c'est dans les règles. Parfait, excellent. Je suis content d'être dans les règles. Du palmarès. Donc, de l'album Welcome Oblivion, qui est honnêtement est ordinaire, mais cette chanson est particulièrement bonne. C'est non, pour vrai, malheureusement, j'avais beaucoup d'attentes, c'est peut-être pour ça. Donc, la chanson How Long, qui est le premier extrait. Et finalement, on va débuter tout ça avec Hôtel Morphée, des histoires de fantômes. C'est des palmarès, c'est fucked up! Wouhou! Oh, c'est fou! 89 heures! Ha ha ha! souffle et nous sépare. L'enveloppe du cœur s'ouvre et touche avec les yeux et touche avec le foie. Les âmes soufflent et donnent silence. If you believe in it, if you believe in it. avec un petit crépillaillage de feu. Ah, c'est du feu, je pense qu'il pleuvait. Non, non, non, c'est un feu. Mais c'est parce que si vous voyez le vidéoclip de la chanson s'inspirer de ça. Pour les gens qui ont vraiment les oreilles très, très aiguisées, qui peuvent voir l'image du vidéoclip à travers leurs oreilles. Voilà, voilà. Mais dans le fond, c'est une histoire de survie, justement. How long can we keep holding on? Et le clip est un peu troublant, en fait. C'est un peu post-apocalyptique. Deux jeunes hommes. En fait, un jeune homme qui en tue un autre pour survivre. Puis la finale, moi, honnêtement, la finale m'a troublé. Je ne sais pas encore si c'est le gars, il est gentil ou non. Mais allez voir ça. Puis ça finit, dans le fond, il est dans une caverne avec, autour d'un feu. Et on entend ça. Puis juste l'esthétique de l'image, c'est très, très beau. Donc, voilà, c'était How Long de How to Destroy Angels, qui n'est pas dans le palmarès concrète. Ben, en fait, qui l'est, mais en tant qu'album. Donc, Welcome Oblivion, en 26e place dans le top 30 des albums. Exactement. Avant ça, on a entendu Forêt. Hein? Parlant de Forêt, je veux dire... Forêt? Forêt. Du feu dans Forêt? Du feu de Forêt, ouais, un feu de Forêt. Donc, c'était Corps maquillé en position 14 francophone. Oui, et on a débuté le tour avec Hôtel Morphée, des histoires de fantômes. Parlant de dormir dans une tente d'un hôtel. Ben oui, des histoires de coins de feu, c'est tout le temps le fun, ça. Tellement. Ça me manque. Oui. Avoir peur. Raconte-moi ça, comment? Comment? Une fois, c'était un gars, puis c'était le meurtrier! Ben oui. Un peu dark. Hein? Ouais, je sais. Un peu dark. Ouais, je suis comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu sais, ce qui est pas dark, ce qui est en fait plutôt lumineux dans ma vie, c'est les blagues. Ouais, c'est vrai, c'est lumineux une blague. C'est très lumineux. Et les blagues de deux animateurs du matin, là, Jean-Philippe Charbonneau. C'est pas, le cure-pipe, ça? C'est Jean-Philippe le cure-pipe, Charbonneau. Oui. Carr Goodwater. Carr Goodwater. Juan Felipe Carr Goodwater. Et Mathieu Plante, qui a pas vraiment de jeu de mots à faire, à part quelque chose avec une plante, horticulture. D'ailleurs, c'est Juan Pablo. Juan Pablo, excuse-moi. Je pense que c'était Philippe. Non. Il y a Philippe Alou. Oui. C'est pas un espagnol pour Philippe, ça? Ou latino? Peut-être. Bref, ils animent l'émission du matin à Assemblage Requis. C'est la plus longue introduction ever vers la chronique Un Instant Classique. Voici le meilleur moment de l'assemblage requis pour la semaine du 1er avril 2013. Mardi 2 avril 2013, je m'appelle Mathieu Plante et Jean-Philippe Charbonneau n'est pas là, il est mort. Ah ah! Non, il est enceinte. J'aimerais pas que je fasse ça. Hein? Poisson d'avril? Poisson d'avril. Oh! Croche de sucre, on essaie de s'en remettre. J'ai mangé un petit lapin dur, mais tu sais, les petits de Dollarama. Un petit lapin dur. Maintenant, j'ai besoin de d'autres petits lapins durs. Moi, j'ai mangé un lapin mort. Tu l'as tué avec... Mes dents, tes dents! Parlant de petites surprises, hier, c'était la fin de... Ben, remonte tes culottes, voyons! C'est parce qu'il fait froid! Oh! On a une amie qui est venue chez nous et qui nous a fait des gags. D'ailleurs, elle est arrivée avec un café de chez Tim Hortons et un Bang Boston. OK, wow! Mais bien. Elle avait tout enlevé la crème Boston puis elle avait mis de la mayo dedans. Ah, oh, mon ami s'est fait prendre! Oui. Oh, wow! Et puis, elle avait aussi déballé, tu sais, les cocos Kinder Surprise. Ouais. Elle avait fait cuire un œuf dur qu'elle avait trempé dans le chocolat, réemballé. Bonjour. Salutations. Salut, ben, Tation, c'est un drôle de nom, là. Salut, Tation. Tation. Je suis pas sûr que je vais appeler mon enfant de même, Tation. Moi, au pire, je suis prêt à texter Tim Burton pour faire comment? Timber! C'est quand les arbres tombent. Ouais, Timber. Ou quand je joue au golf. Ça, c'est très bon. Je pense que tu trompes de... Ça manque un peu de... De couilles. Oui, exactement. Certaines valeurs artistiques, je dirais. Ouais. C'est une autre façon de le dire. Bon, c'est la même chose. Hein? Mais j'appelle mes couilles ma valeur artistique tout le temps. C'est ta plus grande valeur, d'ailleurs. T'arrives ce matin avec les cheveux semi-trempe. Dégoulinant. Et t'es aussi fraîchement maquillé. Ouais. Donc, ça coule sur mes joues. Oui. Les grosses traces de mascara. T'as l'air d'un clown? Un raccoon. Un raccoon. Not ça. Raccoon. Ah oui, c'est sûr. C'est pas super drôle parce que ça n'a pas de contexte, mais raccoon. Raccoon. Ça, c'est fou. Avec de Trois-Rivières. Où ça? Dans le campus. Dans le cubicule. Oui. Le studio. La boîte à savon. Tu sais, pour faire vraiment plus gangster, là, je pourrais dire au lieu de 8 heures, il est 2-4s. Il est 2x4. 2x4, OK, parce que 2-4, ça pourrait être aussi un 2x4. Ouais, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme, il faut que ça soit stylé. OK. Oui, je sais pas, j'essaie de ramener ça au sexe encore, en disant qu'un 2x4, c'est Ah. C'est un peu solide, tu sais, c'est dur. C'est dur comme du bois. comme le bois du matin. Au Morningwood. La trilogie que vous venez d'entendre, si vous aimez ça, ben ça sera cette trilogie-là, mais ça trop lolo, là. Qui sera... C'est quoi le gars qui chante là, sur Internet? Est-ce que tu penses que quand il est au lit, il fait... C'est Kinky Sexy Time. Environ 800 000 personnes dans le monde se touchent à n'importe quel moment de la journée. Comme là, là. En ce moment-là, il y a 800 000 personnes qui se touchent. On les salue. Bonjour, ben pas avec cette main-là. Je vais pas te faire un high five. Fuck a flock, fuck a flock, fuck a flock. Son grand-père a déjà essayé de le noyer ou. Tu sais, son père, il donne des. Comment on appelle ça? Dans le fond, pour faire plus caca. Laxatif. Oui, c'est ça. Désolé, j'avais pas le mot. C'est ça, il l'a pas mimé. Tu vois? T'as l'air d'avoir froid, t'as les mains dans ton. Dans ta veste. Hein? L'éternel recommencement. Oui, faut que tu touches toi-même les mains pour. Si je me touche pas le matin, ça. Les mains. Le contact passe pas? Non. La dernière exécution en France via guillotine était en 1977. Je sais pas si t'es encore devant le public, là, tu sais, comme dans le temps. Non, c'est ça, ça devait être. Et voici votre animateur, guillotine! C'est comme la roue de fortune, mais c'est la guillotine qui s'en va chez vous. Chic. Comment? Tu chic ta gomme. C'est très chic comme blague. Oh, ouais, ben, oui, mastique. Oui. Mastique chic. Ouais, peut-être plus que chic. Hein. Chic, c'est plus tabac. Oui, en effet. Tu sais, le tabac gomme. Il y avait du tabac gomme dans le temps. C'est vrai, c'est comme l'enveloppe. On mangeait ça, on prenait la grosse motte dans la bouche. Là. Effectivement. Mm-hmm. Ça, ça a fait tout un tabac. Tabarouette. On a aussi parlé du pape. Fait qu'en hommage au pape, voici Boy. Oh, oh. Petit garçon. Ben oui. Little Numbers. Faut tout le temps que je fasse ça. Faut tout le temps ça. Mais bon. Ouais. C'est un gars qui aime savoir des choses. T'sais. Oui, oui, je suis un gars curieux. Un grand bibi. Oui, mais pas... faut pas joindre les deux. Curieux? Non, bibi. Curieux. Est-il possible de renvoyer le pape? Toi, t'avais lu ça. Can you fire the pope? T'avais lu can you fire the poop? Peux-tu mettre du caca en feu? Ben, écoute, ça arrive à tous. Jasmine Raymond-Raville est toujours là. Oui. Et on est avec François Landry. Voici. Oui. T'es excité pas mal? M'énerve. On va prendre une petite pause musicale parce que t'as parlé de l'échiquier politique tantôt. Ça me donne envie. Jean-Philippe, je pense que tu comprends où je m'en vais. Oui, je pense qu'on s'en va voir ailleurs. On s'en va écouter Johnny. Hein? On s'en va voir ailleurs. Mais je suis en train de taper là, la toune. Chiquier. Hey, Dieu, t'as déjà hein, tout de ce bord-là. Hey, mais hein. Toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Oui, puis Mathieu Plante. Ouais. Puis fait que. C'est ça. Jean. C'était les meilleurs moments de la semaine du 1er avril à Assemblage Requis, l'émission du matin en pièces détachées. Retrouvez-nous du lundi au jeudi entre 7h et 9h avec Jean-Philippe Charbonneau et moi-même, Mathieu Plante. On a du plaisir, on a du fun, on fait des blagues. Puis on rit nous-mêmes de nos propres blagues. C'est ce qu'on fait à peu près. Donc retrouvez-nous là et puis retrouvez aussi les dates de l'émission et les balles de diffusion sur assemblagerequis.com. Assemblagerequis.com. C'est toujours les palmarès C'est Fucked Up, une édition spéciale des palmarès C'est Fou où on vous présente un petit peu n'importe quoi dans n'importe quel ordre, en bloc thématique, hein, selon ce qui nous intéresse, ce qu'on aime le plus, ce qui veut dire que dans le fond, les pièces qu'on aime le moins, là, par processus d'élimination, mais on les jouera pas ce soir. Aujourd'hui. Donc moi, je vais y aller avec un autre petit bloc tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va terminer l'heure, cette deuxième heure des Palmarès C'est Fou. Restez là parce que tantôt, on va reparler avec Stéphanie Paradis, notre co-animatrice qui n'est pas là aujourd'hui. On va aussi avoir le segment Palmarès in Peace. Maxime Tanguay va être là, moi aussi, puis vous aussi, j'espère. C'est Palmarès, c'est pas top. C'est fou. Les extrêmes. Ça nous anime. C'est F O U 89 1. C'est C'est la troisième heure des Palmarès. C'est Fucked Up, une édition spéciale des Palmarès, c'est fou. Et puis, moi, je m'appelle Mathieu Plante. David Ferron est avec moi en studio qui vient d'arriver. Bonjour. Ben, bonjour, comment ça va? Ça va très, très bien, même si Maxime Tanguay nous a laissé quelques minutes seuls ensemble. Ça va être inconfortable. Awkward! Mais non. Presque aussi inconfortable que nos intros. Ralentir, décélérer, réaccélérer. On aime ça, ça brusque les gens, ça, ça les offusque peut-être. Mais sachez que c'est une édition spéciale qui va arriver qu'une seule fois. Donc. Oui, pis de façon, moi, de mon côté, je me sens dans ma zone. Parce que dans ta tête, c'est tout le temps fucking même. Oui, c'est cette musique-là tout le temps, 24 jours sur 7. Déplaisant. 367 jours sur 365. Ça prend de l'overtime pour réussir à conjuguer tout ça. Donc oui, depuis le début de l'émission, David, pour te renseigner, on passe un petit peu n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de vrai palmarès, c'est fou cette semaine. C'est une édition sur deux semaines. Donc, on a joué toutes les 40 pièces ou presque la semaine passée. Et là, cette fois-ci, tout ce qu'on peut faire, c'est jouer les pièces dans un autre ordre ou un peu n'importe comment. Et là, je vais y aller avec un bloc que j'ai choisi. Plus tard, on va entendre Minotaurs ainsi que Thomas Darcy. Mais on va débuter avec la formation Boy. Et la pièce Little Numbers, tout de suite, c'est les palmarès, c'est fucked up! Yoï! Et Maxime Tanguay de nous faire des signes de fucker sur le bord de la tête. T'aurais pu pointer directement David et le faire sur le bord de sa tête parce que lui, il est fucké en tabarnak. Oh, ils se font des fingers, ça, c'est pas fin par contre. Un peu de respect. Non, Maxime a rien fait, c'est seulement David. Non, c'est mon majeur qui a des tics nerveux. La tourette du exactement. Finger. Exactement. J'essaie de le contrôler, ça marche pas. Pauvre toi. Je te plains. Merci. Oh, Thomas Darcy et I Wake Up Every Day. C'est la position numéro 18 anglophone. C'était nouveau la semaine passée, ou en tout cas dans le précédent palmarès. On a aussi entendu dans ce bloc-là Minotaurs avec Open the Doors. Au début, c'était Boy avec Little Numbers, qui était l'ancien numéro 1 au palmarès. C'est Fucked Up, une édition spéciale des palmarès. C'est fou. Et parlant de Fucked Up, David Ferron. Ah! Ah! Coucou. Coucou. Boutchou. Ben oui, comme prévu, vous avez promis que j'allais faire mon coucou. Eh bien, c'est fait. Coucou. Au revoir. Merci. Non, tantôt, il me texte, est-ce que j'ai droit à plus que, tu sais, je peux te dire plus que coucou, tu sais? Je dis, ben, t'as droit à un mot. Ça peut être coucou ou n'importe quel autre, là. Je suis pas vraiment regardant, là. Je suis dans la chenoute. Chenoute est un autre très beau mot que tu aurais pu choisir. Donc oui, c'est ça, David Ferron, qui est un temps soit peu fucké en tant que tel, un petit mongol à batterie, comme on dit souvent en domaine, et qui présente sa chronique Brancher le monde toutes les deux semaines ici au Palmarès C'est fou. Et les deux semaines entre ça, il présente la chronique La langue dans ton oreille à assemblage requis. Et là, cette semaine, t'as pas vraiment de chronique, mais quand même, je trouve que ton intro est assez bonne pour qu'elle mérite de jouer, même si t'as pas de chronique. Ça te va-tu, ça? Oui, y a pas de problème. Voici Pas du tout branché le monde. Tu vas la faire en version tordue. Je l'ai pas, non, c'est ça. Imaginez-la. Au pire, jouer avec le son. C'est de la 3D, c'est de la radio 3D qu'on fait là. Donc, David Ferron, pour ceux qui n'ont pas encore fait d'accident et qui sont encore à l'écoute, donc pour nous écouter, tu veux nous présenter une pièce dans ta genre de semi-non-chronique cette semaine? Ouais, c'est ça, parce que je me suis dit, on est à la fin de session, mon cerveau est en compote, mais je suis trop dépendant vers Mathieu et le palmarès, c'est fou, donc... Donc, t'es en train de dire que ton cerveau est solide d'habitude, c'est ça? Quand on t'écoute avec tes niaiseries, c'est du solide quand même. Ben, tu sais, c'est comme un plat top hour. Un plat top hour, c'est relativement solide. OK, ça va pas nécessairement au micro-ondes, dépendant de la compagnie qui l'a fait. Ben, justement, j'ai comme l'impression qu'avec les travaux et tout ce que j'ai à faire, j'ai comme l'impression d'avoir mis mon cerveau faux micro-ondes. Et ensuite, au lave-vaisselle. Oui. Et ensuite, re au micro-ondes et re au lave-vaisselle. Je pensais que ça allait le réchauffer, le nettoyer, mais pas du tout. Ça fait juste l'endommager davantage. T'es un endommagé de la vie, donc, c'est ça que ça veut dire. Oui, je suis un paquet de la vie. Man, comprends-tu? Oui, je comprends, dude. Donc, tu nous présentes, qu'est-ce que tu nous présentes en fait? Mrs. Mister, Miss Mister? Oui, Miss Mister, qui est-elle? C'est une jeune chanteuse que quand on l'écoute, bien, vous savez, depuis que je fais la chronique, je mélange toutes sortes d'artistes pour en sortir un seul. Tu parles tout le temps de Blender à chaque semaine, chaque deux semaines. Miss Misterness va pas s'en sortir. Okay. Elle va être aussi dans le blender. En fait, ça va être le résultat du blender parce que dans le blender, vous allez mettre Lana Del Rey, vous allez mettre un peu de Depeche Mode, vous allez également mettre un peu de Fanny Bloom et vous allez avoir Miss Mister. Wow! Alors, c'était un excellent mélange dream pop, pop électro un peu, mais ce qu'on va écouter, c'est une tune pour les fans de Games of Thrones. OK. La troisième saison. Si vous avez vu la bande-annonce de la saison 3, vous avez remarqué qu'il y a une petite musique un petit peu épique, un peu pop aussi. Eh bien, c'est la chanson Bones de Miss Mister, justement, qu'on va écouter. Donc, moi, je sais même pas c'est quoi Games of Thrones, parce que j'ai des amis qui m'en parlent, qui me disent « Hey, David, faut que tu regardes ça. » Puis là, en regardant la bande-annonce avec la chanson Bones, je fais « Faut que j'aille... » Il faut que j'écoute Games of Thrones, absolument. Mais j'ai de la misère à dire mon TH en anglais. Non, c'est bien correct. C'est bien Thrones. Correct. Parlant de Game of Thrones, c'est attends un peu. Je suis en train d'essayer de passer ta vidéo en même temps. Un petit peu, on s'en vient. Non, je cherchais Margarine. Là, ben, c'est quoi le personnage de Game of Thrones? Tangerine. Tangerine et, Dream? C'est ça. C'est pas la plus belle fille du monde, ça, je pense. Ah, je sais pas. Ouais. Selon toi? Ouais. Elle est pas rousse. Non, je sais, mais je suis quand même assez large dans. Targaryen, T-A-R-G-A-R-Y-E-N. Je trouve que ça se prononce pas comme ça. Mais devenez fan de Games of Thrones juste pour ça. Ah ouais? Ouais, pour vrai. Ben, ou devenez-le pour la chanson Bones de Miss Mister. Est-ce que tu veux qu'on aille l'entendre bientôt? Oui, j'ai hâte. Mais est-ce qu'on va également entendre deux autres chansons? Oui, mais plus tard, on va commencer par celle-là. Et ah, après ça, fait. On te laissera faire tes choix dans le palmarès de C'est fou. Ah ben merci. Pourquoi pas. Donc, Miss Mister, MSMR. Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas ça. Non, il y a trop d'affaires. La pub, elle me tape un petit peu sur les nerfs. Hein. Mais on devrait être rendu là. Et voici MSMR. Exactement. Avec la chanson Ponce. Ponce. Targaryen. Targaryen. Soul alone. Boy with a broken soul, boy with messages, forgotten savages, forgotten savages. Dig up a bones, but leave a soul alone. Let her find a way to a better place. Broken dreams and silent screams, empty churches with soulless curses. We found a way to escape the day. Slips away and the ghosts come to play. These are hard times, these are hard times for dreamers. In misery, like a girl of only 17. Man-made madness and the romance of sadness. Beautiful dance that happened by chance. Happened by chance. Happened by dig up a bones, but leave the soul. C'était la chanson Bones de la chanteuse Miss Mister tirée de son maxi Candy Bar Creep Show. Vraiment très très bon. Pour vrai, je m'attendais pas à ça de ta part, non, c'est pas vrai. Je m'attendais pas à ça de je m'excuse. Je suis outroué. Outroué? Oui. Oh, ouais. C'est tout fucké dans ma tête, puis c'est encore plus fucké avec tes insultes, man, je le prends bas. Wow, je savais pas que t'avais cette voix-là, ce talent d'imitation. Je sais pas qui t'imite, mais t'imites quelqu'un, en tout cas. Hey, Denise Bombardier, je te dédie ma chronique. Hey, Doudeste. Doudeste. Ah, Doudette. C'est quoi les féminins de Dieu? Ben, il y en a qui disent Doudesse. Le féminin de Doud, là. Il y en a qui disent Doudesse, il y en a qui disent Doudette. Ça dépend des gens. Moi, je préfère Doudette. Ça fait plus surfer. Tu sais, il dit ça. Yo, Doudette! Ouais. Mais je sais pas. Donc, ce qu'on a entendu, comme tu disais, Miss Mister ou Miss Mister? C'est ça, Miss Mister? Ouais, Miss Mister. Madame vraiment Monsieur. Vraiment très bon. Ça a été utilisé dans Game of Thrones. Games of Thrones. Ouais, exactement. En fait, c'est utilisé, c'est comme la chanson officielle de la bande-annonce de la troisième saison de Games of Thrones qui est disponible sur YouTube. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, merci beaucoup, David, de nous avoir partagé cette pièce-là. Et comme on est dans les palmarès, c'est fucked up. Pour ceux qui ne suivent pas depuis le début de l'émission, on joue des pièces dans notre ordre préféré, dans notre priorité, et non pas dans l'ordre du palmarès. C'est fou parce qu'il n'y a pas de palmarès en tant que tel cette semaine. Donc, David, on te laisse la chance de jouer deux pièces, étant donné que tu en as joué une dans ton bloc-là. Oui. Et tu as le droit de choisir deux de pièces de n'importe quelle dans le top 40, top 20 francophone, top 20 anglo. Garde-toi, mon cher. Hey, je me sens comme un enfant qui va au Toys R Us et qui a été privé de jouets pendant des années. Mais qui a droit à deux cadeaux. C'est nous. Ah, juste ça? Juste deux cadeaux. Ah, ben on va... Deux pas chers non plus, deux pas chers cadeaux. Non, non, ils valent toute l'or du monde. Tout à fait. Ils sont pas chers, mais ils valent toute l'or. Donc, en fait, une découverte, une chanson que je connais pas, que je vais découvrir en même temps que tout le monde, c'est-à-dire Jean-Philippe en un seul mot et sa chanson « Ma tête dégèle ». Très bon choix, j'aime ça. Mm-hmm. Et l'autre, parce que tu dis que pour une fois avec Miss Mister, je présente une bonne chanson. C'était méchant. Ben, tu te contredis parce que t'arrêtes pas de dire « Ah, la chanson Deux hirondelles, c'est tellement bon, David. Merci de me l'avoir présenté. Depuis que tu l'as présenté, je me sens mieux dans mon cœur et dans ma peau. » Mais je suis-tu à genoux quand je dis ça? Oui. OK. Mon imagination a beaucoup de pouvoir. Je me rappelais pas d'avoir fait ça. Ben, OK. Ben, soit que t'as de l'Alzheimer ou soit que je suis schizophrène. Un des deux. Ou les deux. Encore. Et donc, la chanson qui va venir après celle de Jean-Philippe et Ma tête dégèle, c'est en fait le groupe Aline qui va nous présenter Deux hirondelles. Et ça, c'est grâce à toi que c'est sur le palmarès francophone et ça a fait un beau gros tabac, un gros succès, cette pièce-là, donc félicitations. Mais comme tu dis, on débute avec Jean-Philippe, c'est les palmarès, c'est fucked up. Merci, David. Ça me fait plaisir. Oh, extrêmes, ça nous anime. CFOU 89.1. C'est Aline. Avec deux hirondelles. Exactement. Et avant, qu'est-ce qu'on a écouté avant la pub? C'était Jean-Philippe avec Ma tête dégèle sur l'album 5 Mon cœur, volume 3. C'était un bloc choisi par David Ferron. Oui, puis j'ai adoré vous présenter les deux chansons. Puis Mathieu aussi était content. Ben oui, t'as fait des bons choix, David. T'es un bon petit poulain. Ça m'arrive des fois de bien trotter. Sais-tu quoi, pour le reste de l'émission, trotter, c'est bon. Ouais. On te donne officiellement le poste de co-animateur pour le reste de l'émission d'aujourd'hui. Félicitations, parce que Maxime Tanguay a dû nous quitter, malheureusement, petit contretemps avec la Luître qui a un match ce soir à un local que j'aurais donc dû noter pour pouvoir vous le dire. T'sais. C'est pas à la Chasse-Galerie? Non, c'est pas à la Chasse-Galerie. Ah. C'est au pavillon Benjamin Sult. Ça, c'est, je le sais, c'est ce soir, donc jeudi, le 4 avril 2013, où il est 17h32 en ce moment. Et vous pouvez retrouver un match de la Luître ce soir à la Ligue universitaire d'improvisation Trois-Rivières au pavillon Benjamin Sult. C'est le pavillon des arts qui est juste à côté de nous, là, par je pointe par là-bas, je pense. Donc, le pavillon Benjamin Sult. C'est un peu compliqué, l'université, comment c'est fait. Avec la construction en ce moment, c'est difficile de se retrouver, mais sachez que c'est le département des arts. C'est juste à côté du nouveau pavillon qui est en construction à la gauche, dépendant de quel bord vous êtes. Voilà. Nous, on continue avec nos palmarès. C'est David, tu vas, juste me suivre parce que tu sais pas où on s'en va par tout. Non, c'est tellement fucked up que même moi, j'y arrive même pas. Si je te demande de décrire c'est quoi les palmarès, c'est fucked up qu'on fait ce soir, qu'est-ce que tu dirais que c'est, mettons? En fait, je l'ai demandé à Marie Pêche. Non, j'aimerais ça que tu m'expliques. C'est qui Marie Pêche? Non, déjà? C'est Marie Melon, je me suis mélangé. C'est okay. Parce que. Tu t'es mélangé? changé. Donc, Marie Melon, pour ceux qui ne suivent pas la maison, c'est la sœur siamoise triplette de David Ferron. À la naissance, ils étaient des triplés siamois avec Gustave Lafenêtre, qui est un personnage récurrent, et Marie Melon, qui est un personnage un petit peu plus récent. On l'a découvert très, très récemment. C'est une, elle est inspirée fortement par, par Anne-Marie Lozic et est un enfant de la Thalidomide. Thalidomide, c'est ceux qui ont les mains attachées au coude, mais elle, elle a les mains attachées au sein. Et chacun de ses doigts a une petite tétine. Donc, bonjour Marie Melon, ça va? Bonjour! Quoi de neuf? Quoi de neuf, oui, ça va très bien. Merci. Bien, il paraîtrait que je présente le concept des C'est Fucked Up aujourd'hui. Oui, tout à fait. J'aimerais ça que tu me dises c'est quoi les palmarès C'est Fucked Up. Très simple, c'est les 40 chansons, c'est-à-dire 20 chansons francophones et 20 chansons anglophones, toutes mélangées ensemble et on les présente de manière aléatoire selon les coups de cœur des animateurs et chroniqueurs de l'émission. Et là, tu comptes ces petites chansons-là sur tes mains de sein? Oui! Combien de tétines donnerais-tu au prochain bloc sur 10, mettons? Ah, je donnerais un 11e, je me ferais poser une 11e tétine. Ben, t'es une fan de chirurgie plastique, hein, comme ton idole Marie, Anne-Marie Lozic. Exactement, j'ai les lèvres aussi pulpeuses que Lana Del Rey. Oui, tout à fait, ça te fait parler avec une drôle de petite voix qui frôle le micro de ses lèvres pulpeuses. Oui, pareil, j'ai l'air d'une poisson, mais c'est pas grave. D'une poisson? Oui. Une femme poisson? Oui, après la femme chat. Oui, après la femme chat. Oui. La femme poisson. Fish woman, fish girl. Oui. On aime ça, c'était... Parfait, comme intervention, je trouve que ça valait la peine de te recevoir en studio, Marie Melon. Si mettons, t'avais à me faire un hommage, mettons, à ton acteur préféré, tu dirais que ce serait qui, mettons? Mon acteur préféré? Ouais. N'importe lequel. N'importe lequel? Mais wow. Attends, où... Ah oui, je sais, le gars dans Ramdam! Le gars Manolo? Oui! Wow, Tremblay! Ah, oh, j'adore! Mais c'est incroyable, il chante, ça va être ça, Tremblay? Mais oui, j'entends dire ça! Et sur le palmarès francophone en ce moment, on pourrait même entendre la pièce « ça va » si t'en avais envie! Ah oh, oui, tellement! Ça serait merveilleux, hein? Ben, je te dis ça tout de suite, Marie Melon. Fais-lui des babayes avec tes petites mains de sein. Au revoir! Merci, Marie Melon! Ah, c'est les palmarès, c'est fucked up, je l'étudie. Parce que c'est fucked up. On l'entend s'en aller. Marie Melon! Marie Melon, ne t'en va pas! Je dois partir! Oh, c'était mauvais, ça. Wow. Merci, Marie Melon. Bye. Il y en a jamais trop des regards croisés qui te font penser que ça pourrait marcher. Un chèque qui rentre sans que tu t'en attendes. Trois chiffres qui payent ton prochain loyer. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Boston, Montréal, en série. Ça bouge, ça crie, la nuit, les taxis. Je vois la dernière saison fondre. Où est-ce qu'était passé tout le monde? Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. J'me tiens debout devant le bonheur. J'me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Même plus solide qu'avant. L'asphalte que je regarde quand je marche. La vie, je l'ai dans la face. Comme le vent tu mènes. Qui sent la mer et qui t'emmène. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Un dimanche matin qui dure jusqu'au lendemain. Avoir le temps de prendre son temps. Même l'horloge collé off. Ce soir y'aura pas de lascale. Ça va, j'suis content d'être là. J'suis content d'être là avec toi. Je me tiens debout devant le bonheur. Je me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur. Mais plus solide qu'avant. me sens prêt maintenant. J'suis plus solide qu'un boxeur, mais plus solide qu'avant. C'était The Bicycles et Appalachian Mountain Station, la position numéro 12 anglophone. Avant ça, on a entendu Hunter Valentine et je vous ai joué Gates of Hell, la nouvelle entrée de Pulse. Je vais la faire jouer tantôt, là. Je me sens mal de pas avoir mis la bonne. Et au début du bloc, c'était Tremblay avec Sava Sava qui est en 12e franco. Vous êtes dans les palmarès C'est Fucked Up, une édition spéciale, les palmarès C'est Fou. David Ferron est toujours là, mais veut pas parler parce qu'il est fâché, parce qu'on n'arrête pas de rire de lui, avec lui, avec lui. On rit avec lui. De lui. Il me fait des fingers. Hey, les fingers, aujourd'hui, ça va faire. David, là, gars, on va se mettre un sourire en face. David! Ah, qu'est-ce que tu veux? T'as encore arraché le micro, par exemple. Ben oui, c'est normal, ça me frustre tellement que... tu connais pas ta force, mon David. Non. De ton poignet. Toi, tu connais pas la force de ma frustration. Oh! Par contre, sais-tu ce que je connais, David? Ça n'a aucun rapport. Mais t'as jamais rapport, Mathieu. Merci. Donc, la complicité est évidente. On a eu quelques nouvelles entrées dans les palmarès depuis les dernières semaines. Vous savez, il n'y a pas de nouveau palmarès cette semaine. C'est un palmarès sur deux semaines, du 25 mars au 7 avril. Donc, on joue un petit peu tout pour ton initiative. Bravo, ben merci. Il faut bien que je fasse quelque chose pour mériter ma case horaire de 3 heures. Mais bref, étant donné qu'il y a eu 3 nouvelles entrées cette semaine et 10 nouvelles entrées la semaine d'avant et qu'on a un nouveau bloc qui s'appelle Palmarest in Peace, c'est un nouveau bloc au Palmarès C'est Fou où on dit au revoir aux pièces qui nous ont quittées. Ça, c'est les chansons qui font pitié puis que tu as décidé de leur donner une chance. C'est comme UNICEF. Il demande de l'argent pour venir en aide à ces pièces qui nous ont quittées. Donc, vu qu'on n'a pas de nouveau palmarès et donc pas de nouvelles entrées et donc pas de pièces qui nous ont quittées cette semaine, on a fait un petit combiné des 2 dernières semaines. On voit ici ce qui a quitté les palmarès depuis, je dirais, les 3 dernières semaines. C'est Palma Rest in Peace. Ça va être super cool. Ben oui. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les 3 dernières semaines. Ça cause Anne Norval qu'on a une cure pour le cancer. Ça cause Anne Norval que C'était un bloc super size de notre chronique récurrente Palma Rest in Peace au Palmarès C'est Fou. On vient de se débarrasser dans le fond de... On a écouté, excuse-moi, l'équivalent de 3 semaines de pièces qui nous ont quittés. Donc, on va faire le résumé dans l'ordre, David, si tu veux bien me suivre, juste pour rappeler que t'es là. David. Oui. Pas que tu sais, si tu dis quelque chose, pour qu'on sache t'es qui. Allô? Oui. Donc, c'était une édition spéciale de Palma Rest in Peace qui résumait les pièces qui nous ont quittés pendant les semaines du 25 mars et du 1er avril. On a entendu Bernard Adamus avec Weber qui a duré 9 semaines, Saran Rap avec Tomahawk qui a duré 8, Gros Méné et Saint-Prime qui a duré 7 semaines, Vidéoville avec le retour de Jack Death qui a duré 7, Machine Gun Suzy et Black Paper Horse qui a duré 7 semaines, Run with the Kittens avec Life Inside a Chocolate House, 7 semaines, With the Woman, The Darkness, 7 semaines, Mother Mother, The Sticks, 7 semaines, Tremblay comme en Californie qui a duré seulement 4 semaines, après ça Diamond Rings, Put Me On, 2 semaines, Rouge Pompier, Anne Dorval qui a duré 9 semaines, Bio Bazaar et Anne Friends, 8 semaines, et Hunter Valentine, The Gates of Hell qui a duré 6 semaines. Donc voilà pour Parma Rest in Peace. Évidemment, c'était un petit peu du remâchage de pièces qui nous ont quittés parce qu'on les avait déjà écoutées, mais quand même. Mais c'est bon de manger des restants. Des fois, ça nous met de bonne humeur. Ça nous fait penser au moment où on a mangé la version originale. Moi, ça me donne du bonheur dans mon cœur. Je suis tellement joyeux, là. C'est comme vomir. Eh oui, c'est juste. T'es content? Quand je te vois, ça me rend heureux. Ah, wow. Hey, tantôt, t'étais triste pas mal. Là, t'as l'air pas mal heureux. Je sais pas, t'as comme des tendances un petit peu. Mais non, la vie est belle. J'ai découvert la vie. Wow. Les murs sont beaux. Ah! Les micros sont beaux. Tout est beau autour de moi. Comme un arc-en-ciel de couleurs. Wow. C'est moi qui arrive. J'ai pas mes émotions. Bon, mais on diagnostiquera pas ici parce que c'est pas mon rôle, mais ça a des tendances un peu maniaco-dépressives. Mais bon, David Ferron qui est avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il reste encore une dizaine de minutes. Hey boy, dans mon coin. Ouais. J'ai des nouvelles de Stéphanie Paradis, pendant que tu te vas dans ton coin, David. Stéphanie Paradis qui est en autobus pour se rendre jusqu'à Capsha, Sabine Natal. C'est la co-animatrice de l'émission, pour ceux qui ne suivent pas trop la game. Elle co-anime avec moi d'habitude, elle n'est pas là avec nous aujourd'hui. On lui a parlé par téléphone en début d'émission, elle était dans l'autobus en direction. C'est quand même un assez long parcours. En ce moment, en direct le jeudi, on est à 17h50. Elle va arriver vers 1h du matin, minuit et demi. Bref, ça va être tard, là. C'est quand même loin Capsha. Elle nous dit qu'elle ne peut pas nous reparler, on voulait lui reparler par téléphone si la fin de l'émission, elle nous dit qu'il y a trop de bruit. Elle est au terminus, donc il y a des bruits de moteur. C'est un petit peu dérangeant pour elle. Donc, on la salue et on la remercie. On va la retrouver jeudi prochain, toujours dans cette case horaire, les jeudis entre 15h et 18h, vendredi 17h, lundi 14h. Tantôt, je vous ai fait jouer une pièce de Hunter Valentine. J'ai fait jouer Gates of Hell. On l'a écouté dans le palmarès Palmarès in Peace. C'est dur à dire, Palmarès in Peace, tantôt. Ouais, c'est vrai. Mais leur vraie pièce est une nouvelle entrée depuis le plus récent palmarès du 25 mars au 7 avril. C'est The Pulse. Donc, on va aller écouter le bon extrait tout de suite. The Pulse de Hunter Valentine. Après ça, on va revenir pour se dire au revoir. Restez là! C'est les palmarès, c'est fucked up, David. C'est fucked up. Yee! Ah! Goula, goula! Vive le répertoire des onomatopées. I had a flash from the future. We were bitter, old and gray. Yeah, I was making you dinner. You couldn't think of a word to say. I tried to picture a lifetime of not waking up next to you. Shake out this feeling. Deception grew and grew. Cause it's the pulse that feeds the lonely. It's the beat that doesn't shake. Yeah, it's the pulse that feeds the lonely. And the loneliness you say. Your shadow, it never. C'était une pièce comme ça, des panoramas assez fous. Oui, c'est la cacophonie totale parce que c'est des panoramas assez fucked up ce soir, aujourd'hui en fait. Et c'était là-dessus presque ça se terminait. On vient d'entendre Andrew Valentine et The Pulse, une nouvelle entrée en 20e place de la semaine du 25 mars au 7 avril. Et voilà pour notre concept spécial. Les émissions en concept, il y a juste moi qui aime ça, mais quand même, je m'amuse avec une émission comme ça, avec un concept bizarre où on joue n'importe quoi, n'importe comment. C'est bien fun. Merci David Ferron d'avoir été là. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. En tout cas, je vous ai écouté une bonne partie de l'émission, puis c'est vraiment un plaisir d'entendre Maxime, toi et Stéphanie. Tout à fait. Stéphanie qui nous a contacté par téléphone. Maxime qui était là en personne pour le trois quarts d'émission. On le remercie aussi. On remercie Stéphanie. On remercie vous d'avoir écouté les palmiers à la maison. Allez voir le cif.ca pour la programmation complète qui se continuera pour les auditeurs du jeudi où on est en direct entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, ce sera 13e étage avec de l'électro-jazz. On repasse le vendredi à 17h. Après nous, c'est Skypunka avec le camarade X qui nous présente du punk rock. Et finalement, on repasse les lundis entre 14h et 17h. Après nous, c'est l'émission de Maxime Tanguay et Jean-René Boutin en deux périodes. Soyez là. On se quitte avec Chantal Archambault et la pièce Les Détours parce que, bon, ça résume l'émission d'aujourd'hui. On a pris plusieurs détours pour se rendre jusqu'à destination. AssemblageRocky.com, c'est notre site web. Merci David encore une fois. Bye bye. Au revoir. Bye.